sera donc de plus 100 résilience, plus 29 au sort, ou 50 points d'action. Enfin, de... puissance non, d'attaque D'attaque, fils. Bon, bah, tu vas la refaire, Florent. Je fatigue. Mort de rire. Bon, attends, bouge pas. PA, moi, je pense à puissance d'action, parce que c'est quoi? C'est dans les RPG. Oui, bah oui, les PA, bien sûr. Oh, ah putain, je fatigue. Ah, oh, putain.